Section 8, partie 8. L'arbre de la science. L'arbre de la science était couché sur le sol. L'humanité tout entière s'était acharnée sur lui. À coups de hache, on l'avait abattu, et satisfaits, les vainqueurs étaient partis. Les âges passèrent, d'autres vainqueurs arrivèrent. « C'est bon à dépecer, » dirent-ils. « Avec ce bois, on ferait quelque chose. Ces fleurs ne servent à rien. » Autour du vieux tronc s'étaient enroulés des millions de chèvrefeuilles et de roses dont les cordons couraient partout, soutenant, égayant les sombres branches mortes. Un poète survint. « Laissez-le là, » dit-il. « N'est-ce pas assez de l'avoir jeté à terre ? Et ne savez-vous pas que, l'eussiez-vous réduite en poussière, rien n'empêchera les roses de fleurir, car là où elles le veulent, elles repoussent du pied et fleurissent toujours. On déracine un chêne. On n'arrive jamais à détruire les racines du rosier. » Les vainqueurs s'en allèrent en haussant les épaules, et les grands rameaux décharnés restèrent là, oubliés, inconnus, éternellement couverts de roses éternelles. 1896. À mes ingrats, j'ai travaillé toujours, brave semeur de grains, sans être vieille encore, je remplis ma journée. Pourtant, mes jours sont faits de lutte et de chagrin, sauf à l'époux de bien à qui je fus donné. Peu à peu, mes amis ont quitté la maison, pendant que je souffrais. Chacun s'aime soi-même. Si je les ennuyais, ils ont eu grand raison, mais j'ai beaucoup souffert de l'abandon suprême. Je vis dans mon jardin sous le soleil brûlant, et depuis bien longtemps je ne vois plus personne. Mon unique plaisir est, lorsque l'heure sonne, marquant le lent progrès d'un jour toujours trop lent. Je n'ai guère gardé que mes amis du livre, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, et quelques braves cœurs de ceux que j'aide à vivre, seuls de qui mes bienfaits auront été connus. Et pourtant j'ai vaincu dans la grande défaite. Ceux qui m'ont lu un jour veulent me lire encore. Tout livre que j'écris est pour eux une fête. Ceux-là m'ont largement versé la gloire et l'or. Ô lecteur très lointain, que je vous remercie, car vous m'avez aidé à supporter la vie et peut-être à l'aimer. Laissons là les ingrats. Je puis leur pardonner, mais je ne l'oublierai pas. 1896. La Voie lactée. Celle que nul mortel n'atteindra, même en rêve, vierge du firmament, blancheur, céleste grève que les flots de l'éther viennent battre, la nuit, dans l'orage d'hier ou la paix d'aujourd'hui, à présent apparaît comme un fleuve. Ses ondes, l'étance de soleils et poussières de monde, roulent les diamants des constellations. Comment songer alors aux lamentations, aux misères d'un jour, aux soucis domestiques, intimes et menus, piqûres de moustiques, ces riens infiniment cruels, la trahison qu'on trouve, un soir, tapis au fond de sa maison, la calomnie aimable et l'hypocrite envie que porte l'égoïste à qui se sacrifie. Ce peloton rampant de reptiles hideux s'effare et disparaît, pendant que tous les deux, ô mon cher compagnon de travail et de veille, nous regardons, muets, l'ineffable merveille. Voici bientôt 30 ans, pour la première fois, que nous avons ensemble, en effleurant nos doigts, contemplé sans parler le long fleuve de flammes. Les jours, les mois, les ans ont passé sur notre âme, sans rien diminuer du feu qui la brûla. Et nous nous chérissons comme en ce moment-là. Moins joyeux, mais unis dans la même tendresse, nous regardons au ciel comment notre jeunesse, la blanche galaxie, au fond de l'horizon, de ses bras étendus, bénir notre maison. Août 1896. Dans le noir, il faut pourtant bien que tu t'accoutumes, pauvre être souffrant, à ce mot, jamais. Résigne-toi donc, sache désormais être calme et fier dans tes amertumes. Tu le connaîtras, l'incessant ennui, de l'esprit sevré de ce qu'il désire. L'aurore pour toi ne doit jamais luire, subis ton destin et vis dans la nuit. Car tu ne saurais crier ton angoisse sans faire souffrir tout ce qui t'est cher. Presse en souriant le dard dans ta chair et fais bon visage à ce qui te froisse. dans l'étroit sentier, marche jusqu'au bout, ne te laisse pas vaincre par les larmes. D'autres combattants ont jeté leurs armes, ils se sont couchés, tu mourras debout. Et n'appelle pas la mort qui délivre. Voudrais-tu faiblir devant ton devoir? D'autres ont sauté dans le gouffre noir, mais tu ne saurais, car toi, tu dois vivre. Cachant sous ta main ton cœur mis à nu, marche sans trembler au bord de l'abîme. D'autres sont bourreaux, tu seras victime, ton âme éprouvée aura tout connu. Pauvre être blessé, ta plaie est profonde, tu sais que jamais tu n'en guériras. Sur ton sein béant, croise tes deux bras, et d'un air hautain, regarde le monde. 1896. À une enfant que j'aime. Dans la clarté, porte haut ton flambeau, que sa lumière éclaire ton visage, pour qu'il ne soit de juste ni de sage, qui le voyant clair ne le trouve beau. Nous sommes tous des oiseaux de passage. La vérité, sur le seuil du tombeau, nous ôtera jusqu'au dernier lambeau des oripeaux consacrés par l'usage. Alors, pourquoi montrer ce qu'on n'est pas, et se farder tout le long de la vie, triste plaisir que d'exciter l'envie? Tu n'as en toi rien d'impur, ni de bas. Ô mon enfant, porte haut ta couronne, sois véridique et loyale, sois bonne. Saint-Brévin, août 1896. Blessure. J'ai dans un coin de l'âme un trou lugubre et sombre, un gouffre où mon regard se refuse à plonger. J'en détourne ma face en le recouvrant d'ombre, et tant que je le puis, j'évite d'y songer. Il vient de l'injustice et de l'ingratitude. Elles ont fait le trou si vaste et si profond que souvent je me dis, avec inquiétude, ma première douleur en crèvera le fond. Je ne parle jamais de mes vieilles blessures, mais je sens tous les jours quelque chose de moi fuir insensiblement par de sourdes fissures, et je mourrai soudain sans qu'on sache pourquoi. 21 août 1896. Psyché. Eros s'endort, lassé de l'étreinte divine. Assise au bord du lit, Psyché veille et devine que l'adorable époux ne peut être immortel. Psyché n'est qu'un enfant, si jeune, mais la flamme du baiser dans son cœur vient d'éveiller la femme. Un homme pourrait-il rien inspirer de tel? L'amour des dieux est court, leur fuite est douloureuse. Si c'était immortel, qu'elle serait heureuse. Il reviendrait alors près d'elle chaque nuit. Pendant qu'il lui parlait, elle a senti des ailes. Psyché songe en pleurant aux siennes qui sont frêles et ne pourraient jamais la porter près de lui. Il dort, elle se penche et respire, saisie sur la bouche adorée un parfum d'ambroisie. La terre en produit-elle un autre aussi subtil? Mais pourquoi se cacher d'elle qui l'aime et pleure? C'est trop souffrir. Psyché veut le savoir sur l'heure. L'être mystérieux et cruel, quel est-il? Là-bas, dans l'atrium, la lampe toujours veille. Psyché court et revient. Indicible merveille. C'est Eros, le plus beau des dieux, son jeune époux. Elle le reconnaît, l'ayant vu dans le temple. Le cœur muet d'ardente extase, elle contemple celui qui l'a choisi et glisse à ses genoux. Elle a laissé tomber de la lampe tremblante sur cette peau divine une goutte brûlante. Furieux, il s'envole et monte vers le jour. L'homme qui ne sait rien t'appelle curieuse, mais Zeus te connaît mieux, ô sincère amoureuse, et sait que ton désir fut un excès d'amour. 8-15 septembre 1896. L'opération. On m'a envoyé aux eaux, on m'a envoyé dans le midi, on m'a envoyé à la mer. Voilà 6 ans que je souffre, pour ainsi dire, sans rémission. 3 ans que je n'ai connu une heure qui ne fût une douleur. On m'a fait tout ce qu'on pouvait me faire. Je suis couverte de pointes de feu. Enfin, aujourd'hui, le médecin m'annonce que la médecine ne peut plus rien pour mon foie malade et ankylosé par les adhérences. Quoi? Rien alors? La mort ? Un silence, puis le docteur reprend. Une opération. Croyez-vous qu'elle réussisse ? J'en suis persuadé. Tout de suite alors, demain si vous voulez. Demain on ne pourra pas, il faut attendre 4 journées mortelles, et encore on refuse de m'opérer chez moi. Il faut aller au couvent, loin de tout ce qu'aiment mes yeux. C'est un arrachement indicible, une mort anticipée. Par bonheur, on me permet de garder mon mari près de moi. Lui, il croit que je guérirai, heureusement. Sans cela, mieux vaudrait disparaître sur le champ ensemble. Enfin, le jour est venu. Voici les docteurs. L'odeur de chloroforme se répand autour de moi. Adieu, tout ce que j'ai aimé. S'il est un repos en ce monde, je l'ai gagné par mes souffrances. Je me sens engourdir, puis plus rien, rien. Si c'est la mort, qu'elle est douce et bienfaisante. Je suis réveillée par un bruit horrible. Des gens parlent, des charretiers se querellent. Une voiture m'a passé sur le corps. J'ouvre les yeux. « Eh bien, c'est fini, » me dit le cher docteur Monprofit. « Ça s'est très bien passé. » Je regarde la pendule de voyage en face de moi. Cela a duré 2 heures, et on peut y survivre. « Mon mari, » dis-je. Il entre. Ah, comme il m'embrasse. Et pendant 10 jours, je souffre un martyre tel que n'importe quelle mort serait préférable, parce qu'il n'est pas de mort qui dure 10 jours. Les sonneries de cloche me réveillent vers 5 heures du matin, et c'est fini de ma nuit. Mon seul moment d'oubli. Les sœurs sont exquises, la sœur supérieure, jamais lasse de bien faire, quoique travaillant toujours, toute si bonne, si tendrement émue de pitié. La jeune sœur Hyacinthe, avec sa voix douce et son optimisme invétéré, avec la caresse timide de ses mains fraîches, est un rayon de lumière dans ce noir affreux. Il pleut, il vente. Pendant qu'on m'opérait, Angers était visité par la tempête qui devait amener une tornade à Paris, quelques heures après. Depuis, les minutes de soleil sont rares. Enfin, le 14e jour, mes médecins ont pitié de mon dégoût et de mon ennui et me laissent retourner chez nous, à la campagne. Oui, mais voilà, pas plus à la campagne qu'à Paris, 6 semaines plus tard, rien ne me fait plaisir. Dans la mort apparente du chloroforme, j'ai goûté à la coupe infinie et je n'aime plus la vie. Il se passera bien du temps avant que je puisse la contempler, même avec indifférence. 10 septembre 1896. Bataille. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent comme un homme au milieu d'une effroyable bataille. La mort est dans l'air de toutes parts. Elle est dans les balles qui sifflent, dans les obus qui éclatent, dans les épées qui font des éclairs, dans les lances qui frappent au sein des bataillons. Et l'on ne sait de quel côté on sera frappé. On devient alors presque indifférent au péril moral et tout à fait insensible aux dangers matériels. À quoi bon se garer dans un tel ouragan de mort? Quand c'est fini, on reste étourdi, plus surpris peut-être qu'heureux. L'une des premières impressions qui se dégagent est celle du vide et du silence, un peu inquiétant car il semble cacher un piège. Ce n'est pas possible, se dit-on, que ce soit fini et que je vive encore. 10 septembre 1896, février 1897. La foudre. Un coup de tonnerre violent ébranla notre maison, et les roulements coururent éperdus, çà et là, dans le ciel, comme s'ils avaient peur. Je me levai pour fermer la fenêtre de la pièce voisine, laissée ouverte en raison de l'intolérable chaleur de l'été de 1896. Le nuage noir fuyait déjà bien loin dans l'est, derrière les grandes masses d'arbres immobiles. Le ciel resplendissant d'étoiles était illuminé par la lune dans son plein, entouré d'un immense halo, lumineux comme un arc-en-ciel, irisé comme un cercle de pierres précieuses. En face, à une très grande distance l'un de l'autre, sur l'horizon délicatement teinté de gris-perles, 2 incendies flambaient haut, paisiblement. La foudre n'avait pas ménagé ses coups, car une 3e lueur s'éleva soudain entre les arbres, bien lointaine aussi. 1 heure sonna au petit clocher, sur la campagne muette. Rien de plus étrange, de plus mystérieusement douloureux, que ces grandes flammes joyeuses et claires, léchant le ciel adorable sous cette lune triomphalement couronnée. À l'ouest, le bas du ciel s'obscurcit et de longs éclairs sans cesse renouvelés s'établirent comme une menace permanente et silencieuse. Un frisolis léger passa dans les platanes mouillés, puis la lune se voila. Une lumière maladive, énigmatique, succéda à l'illumination mystérieuse. Un incendie s'éteignit après quelques efforts suprêmes. Les autres continuaient, dévorant là-bas les moissons, les fermes, peut-être les hommes. Et une mélancolie sans bornes remplit mon âme, pendant qu'appuyé à la fenêtre, je regardais monter le nouvel orage. Menton, 1897. Rire imprudent. Triste, la fillette est assise sous le vieux mur gris de l'église, palote dans sa robe grise, sans plaisirs et sans vanité. Sa bouche s'ouvre, elle soupire. Non, elle est en proie au fou rire qui la secoue et qui l'étire en un long frisson de gaieté. De fée ou de sorcier filleule, elle ne craint pas d'être seule, même avec sa défunte aïeule, dans l'herbe épaisse de la mort. Car elle aime le cimetière, où nul des siens n'aura de pierre, mais d'où l'on voit la mer entière quand on regarde vers le nord. Elle a ri. Pourquoi ? Quelle bête dans l'air, un refrain dans sa tête, dont la chanson reste incomplète ? Mais elle pleurera demain, car elle accepte de la vie l'écume franche avec la lie, et ne recherche ni l'envie, rien que de simple, pur et sain. Mais rire, là, l'enfant frivole s'entendra dire qu'elle est folle, et toute sa gaieté s'envole. Ses yeux, pleins de pleurs arrêtés, sont le miroir de son cœur tendre, qui peut tout aimer, tout comprendre, qu'une égratignure peut fendre, et qui saigne de tous côtés. Cœur trop sensible, âme trop fière, trop amoureuse de lumière, jouis tant que tu le pourras, de l'air, du soleil, et des roses. Accepte la bonté des choses, c'est aux gens que tu la rendras. Menton, 25 février 1897. Nouvelle fuite, Menton. Depuis le 10 septembre, il pleut. Je me sens en prison. Notre appartement est empoisonné par le poêle mobile d'un voisin qui, paraît-il, n'en souffre pas. J'ai envie de lui proposer de venir s'intoxiquer chez nous, mais il n'accepterait probablement pas. Encore une fois, mon médecin me fait quitter Paris sur le champ, sans perdre une minute. J'ai respiré cet hiver environ 2000 litres de gaz oxygène. C'est très certainement cela qui m'a empêché de mourir, mais cela ne me fait pas vivre. Je voudrais bien que nos députés, au lieu de se quereller, fissent une loi contre l'empoisonnement des voisins par les poêles mobiles et défendissent une fois pour toutes la fabrication et la vente de ces engins mortels qui devraient être rangés dans la catégorie des industries nuisibles. Mais ça ne les intéressera que le jour où l'un d'entre eux aura perdu par ce procédé-là sa famille, sa fortune, faute de testament, et les trois quarts de son intelligence. Cette fois, pas d'hésitation, nous allons à Menton, où j'ai des amis. À peine en chemin de fer, l'appétit et les forces reviennent. Menton ! Quel délice que ce pays miraculeux, avec ses nobles montagnes et ses pentes boisées qui tombent jusque dans la mer, ses journées bleues, ensoleillées ou grises, mais presque toujours douces. De jeunes Anglais se promènent en robe de piqué blanc. D'abord c'est laid, ensuite cela leur va comme un bas de soie à un bœuf, et enfin, on a beau dire, nous ne sommes tout de même qu'en février, et mon sens esthétique en grogne. Il grognera beaucoup, mon sens esthétique, mon sens moral aussi, quand j'irai à Monte-Carlo. Mais on ne va pas à Monte-Carlo pour se faire une belle âme, ni pour cultiver son goût, mais pour gagner de l'argent à la roulette, n'est-ce pas ? Nous irons une fois, et nous reviendrons parfaitement décidés à n'y pas retourner. La Côte d'Azur a, Dieu merci, de quoi vous consoler de Monte-Carlo ? Et puis, c'est bien fait, nous n'avions pas besoin d'être curieux. On peut voir les mêmes vilaines têtes ailleurs, elles ne sont pas rares. Il est vrai que l'ensemble là est complet et très instructif. 1896. Bataille de fleurs. Dans l'étroite allée qui longe la mer, entre les deux rangs de tribunes, les voitures, décorées avec un goût charmant, défilent au pas, et l'on se bombarde avec des poignées de fleurs qui embaument. Tout le monde est comme il faut et de belle humeur. L'air sent bon, La bonne grâce semble tomber du ciel bleu, avec la lumière atténuée par les vélomes des tribunes. On se sent en société. Aucune grossièreté, moins encore aucune faute de goût, n'est à craindre. Et c'est ce qui fait de Menton un séjour vraiment délicieux et sans pareil. Je n'ai qu'un grief, ce sont les eucalyptus. Pourquoi ces vilains arbres sentent-ils obstinément les vieux seaux de toilette qu'on a oublié de vider ? Heureusement, il n'y en a guère que dans la ville neuve. Garavant en est à peu près indemne. C'est là que nous retournerons, car nous voulons y retourner, boire le soleil, la vie et la joie par tous les pores, dans cette population bienveillante, au milieu des fleurs qui tombent par paquets parfumés, des murs grisâtres, devant la mer bleue où, par les beaux jours, on voit, ou croit voir, tout là-bas la Corse se dresser comme amphitrite surgissant des eaux. Mars 1896. Pigeon voyageur. À l'appel désolé des souffrances humaines qui se tordaient les mains en s'adressant à moi, j'ai senti s'alléger le fardeau de mes peines. Le sang courut plus vif et plus fort dans mes veines, et je l'ai secouru selon la grande loi. En rappelant au jour ces pauvres sœurs mortelles, quand je les retirais de leur enfer fangeux, je m'efforçais d'abord de leur donner des ailes avant de les lancer dans le ciel nuageux. Et puis, c'est tout. Ces ingrates colombes, ces pigeons voyageurs égarés dans l'azur, ne sont pas revenus. Quelques-uns sous des tombes, et c'étaient les meilleurs dont le cœur était pur. J'ai souffert, et beaucoup, de leur oubli, naguère. Un peu de souvenir m'aurait fait tant de bien. Maintenant, je vois mieux leurs destins et le mien. Quand je peinais pour eux, ma tâche était légère, et je leur dis merci de ce qu'ils m'ont fait faire. Avril 1897. Après une lecture. Je n'y puis plus tenir, et maudit soit le livre, sous un titre anodin qui va dans les maisons, flattant la curieuse et le goût du bien vivre, dans un cœur innocent versé de noir poison. Ce sont ces livres-là, pervertisseurs de femmes, qu'on cache à son mari, vite, sous le coussin. Ces traîtres à l'honneur déshonorent les âmes, et d'un être indolent font un être malsain. Puis, quelque temps après, les mères inquiètes disent aux médecins, sombres et mécontents, « Quel mal ont donc mes fils, avec leurs grosses têtes, leurs yeux lourds et battus, leurs membres chancelants ?»« Quel mal ! Cet enfant, né des lectures malsaines, est le produit brutal des lourdes pensées du jour. Et le sang vicié qui coule dans ses veines, c'est la névrose, et non l'amour. » 1897. Elvire. Don Juan sourit, penché sur la mignonne épaule d'Elvire, qui raconte à cet époux vainqueur tous les tendres secrets de son très jeune cœur. Il dort, elle se tait, et là finit son rôle. Ainsi que le malheur, l'amour n'a point d'amis. D'ailleurs, le ciel est gris et menace de neige. Nul ne viendra les voir. Qui se serait permis de troubler ce bonheur que la tourmente assiège ? Personne pour jouer, pour boire ou pour chasser ? C'est trop de solitude, et Don Juan s'ennuie. Il est d'humeur méchante. Elvire offre un baiser, qu'il dédaigne. Aussitôt les pleurs tombent en pluie. Pauvre Elvire, pourtant ta mère t'avait dit de ne jamais pleurer devant l'homme qu'on aime. Ce reproche muet, c'est l'injure suprême, et mieux 100 fois vaudrait pour toi qu'il l'entendît. Elvire va pleurer demain encore, sans doute. Il fronce le sourcil, car cela lui déplaît. Il demande à cheval, appelle son valet, et le voilà tous deux volant sur la grande route. Elle laisse couler ses pleurs silencieux. Le maître et le cheval courent libres, joyeux, à chacun de leurs bonds, broyant un peu d'une âme. C'est l'éternel débat de l'homme avec la femme. 1897. Mélancolie. Une petite source, en haut de la falaise, à l'ombre d'un bouleau grêle, descend à l'aise, tombant sans se troubler, de ressaut en ressaut, à travers les ronciers, de 300 pieds de haut. On y peut arriver, on la voit, on l'oublie, et j'ai souvent pensé que pour cacher mes pleurs, j'aurais aimé, rêvant à bien d'autres douleurs, ce paradis serein de la mélancolie. 1897. Oiseau sauvage, une plainte étrange, douloureuse, mortelle, passa sur la maison endormie, puis s'éteignit. Dans le cadre de la fenêtre, le ciel noir n'avait pas une étoile. Écoutons, fis-je aussitôt debout, le cœur oppressé d'une mystérieuse angoisse. Le grand silence était retombé sur nous, enveloppant la campagne. Seul, très loin, la mer à son plein battait les roches à coups irréguliers qu'une oreille exercée pouvait à peine percevoir. La plainte aérienne recommença, amère, désespérée, comme si tous les mourants d'une bataille avaient à la fois exhalé leur dernier cri de détresse. Pareil à un tourbillon de tempête, dans le calme absolu de la nuit noire, un grand frémissement d'ailes accompagna la clameur tragique. Elle s'éloigna, décrut, et il sembla que la mort avait passé sur le monde, fauchant sa moisson. « Ce sont les oiseaux du Nord, » dit le plus sage de nous deux. Une petite étoile brilla distinctement dans le champ de la fenêtre, et lentement le noir se fondit en un azur profond, grave comme des paroles de miséricorde. Pour la troisième fois, la clameur mortelle s'éleva frissonnante, si proche qu'on eût dit la troupe voyageuse prête à entrer dans la maison. Elle s'apaisa soudain et se changea en une sorte de mélopée vaillante, héroïque. J'ouvris la fenêtre et dans le bleu sombre, je vis fuir vers le sud l'épais bataillon d'ailes confuses. Les oiseaux causaient entre eux maintenant, satisfaits d'avoir traversé la mer et retrouvé leur route. C'est après la fenêtre close, à la claire lueur des bûches allumées dans l'âtre, qu'il fit bon à l'âme et à la pensée, dans la douce chambre fermée aux soucis du dehors. Gréville, 1878, Menton, 1897. Revivre. Le matin est d'un bleu si tendre que l'on a peur de l'effarer. On se penche pour tout entendre. Va-t-on rire ou va-t-on pleurer ? Comme de grands colliers d'opale, les clématites en cordon voilent les roses toutes pâles d'avoir ouvert tant de boutons. Le soleil, ce maître des gloires, est encore bas à l'horizon, car les ombres sont noires, noires, longues, longues sur le gazon. On travaille dans les prairies, l'odeur des foins nous griserait. Ne perdons pas en rêverie ce jour qui serait un regret. Serre bien ma main dans la tienne, ô mon bien le plus précieux, pour qu'elle m'aide et me soutienne jusqu'au jour marqué par les cieux. Une joie intense, inconnue, avec le jour se glisse en nous. Salut aux nouvelles venues qu'on adorerait à genoux. Cette ivresse qui nous pénètre comme une eau qui coule à plein bord, ceux-là seuls la peuvent connaître qui reviennent de chez les morts. 1897. Post-scriptum. Doux Menton, comme tant d'autres, au calme de ta mer bleue, au soleil de tes montagnes, je dois d'être revenu à la vie. Sois ici, doux Menton, béni et remercié. En post-scriptum de ce livre, je te devais cette marque de reconnaissance. En attendant l'hiver déjà si proche où, pour te rendre grâce de m'avoir ressuscité, nous irons te revoir, doux Menton, te saluer et admirer l'écume de tes vagues, ô chère Méditerranée. Anjou, août 1897. Fin de la section 8. Fin de « Un peu de ma vie » par Henri Gréville.